Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz, émission également diffusée à partir du blog asile35.blogspot.fr ou du mixcloud.com/redman. Ravi de vous retrouver, c'est le cas de le dire, puisque j'ai failli ne pas venir du fait d'un mauvais état grippal. Voilà, votre serviteur est tout enchifrené et tout en frisson, donc ce soir ce sera le frisson de l'asile, peut-être dû à une mauvaise conjonction du yin et du yang pour cette nouvelle année du singe qui démarre. Très belle année d'ailleurs à vous. Apparemment, si vous êtes également du signe du singe, cette conjonction peut être assez fatale. Donc méfiez-vous. Et on va démarrer cette émission avec une rencontre entre deux formations de noise rock, matinée de jazz free. Il s'agit de Mambou, le fameux duo italien dans lequel on retrouve le sax bariton de Zou à l'intérieur, monsieur Luca Timai, qui est en compagnie des Mosca Violenta, le fameux trio canet qui se faisait précédemment appeler Les Yeux de la Tête et qui a très bien fait de changer de patronyme. Donc une rencontre, non pas un split, mais un super groupe, comptait pas moins de deux saxophonistes bariton et alto, deux batteurs et aussi une basse du feu de Dieu pour ce Hunting Demons qui vient tout juste de paraître sur le label Head. C'est un EP de 22 minutes, cet excellent maxi qui sort sur le label de Montpellier. On écoute le titre Lamb de ce Mambou versus Mosca Violenta. Bye. Séquence à vous anesthésier un troupeau de microbes dans l'asile le plus sûr pour démarrer et donc pour bien combattre le GGN, comme disaient les Shadok. Tout d'abord, on a entendu la rencontre entre le duo italien la paire Mombu et le trio de camp Mosca Violenta. Mombu versus Mosca Violenta et cet excellent Hunting Demons sorti sur le label Head, ce maxi assez furieux. Et bah, évidemment, ça devait arriver puisqu'ils tournaient ensemble depuis pas moins de 2 ans. Et parfois aussi, d'ailleurs, le saxophoniste de Mosca Violenta jouait au sein de Mombu quand Lucas Timaille fut alité. C'était le cas l'an dernier, si je ne m'abuse. Et donc, les deux projets se sont réunis, sont fondus en un seul pour un quintet de batterie, de sax et une basse. Et c'est plutôt plaisant à écouter, ce Hunting Demons, et on a poursuivi avec des démons des steppes de l'Oural et les fameux Yatka avec un concert à Novosibirsk en Russie qui datait de mars 2011, qui vient tout juste de sortir sous le titre Live at the Stray Dog Club. Donc c'est le nom du club où ils avaient enregistré ce concert. Excellent groupe, ce Yatka, qui existe depuis pas moins de 20 ans, même un peu plus, puisque c'est début des années 90 qu'ils se sont formés autour du chanteur Albert Cuvezin, avec bien sûr de la vielle à tête de cheval et autres chants diphoniques pour ce groupe originaire de Touva qui pratique un rock assez énergique. On avait eu l'occasion de les entendre d'ailleurs, c'était à l'Antipode où il y a de ça un bon paquet d'années, je crois que c'était au début des années 2000, dans le cadre d'un festival Les Transmusicales, les excellents Yatka, tout aussi bons sur disque qu'en concert. Et donc ce live en témoigne, ça fait un petit moment qu'ils n'avaient pas sorti de trucs, et je vous avouerai que je me suis bien laissé happer par ce Live at the Stray Dog Club de Yatka en deux mots. Voilà, on va continuer avec un trio que je suis depuis assez peu, pour tout vous dire. Ils répondent au nom de Aluk Todolo. C'est un power trio qu'on qualifie souvent d'occulte, hexagonal, qui existe depuis 2004. Et bon, ils sont plutôt dans le metal assez black à l'origine. Et bon, ils ont sorti un certain nombre de disques depuis le milieu des années 2000. Je crois que celui qui vient tout juste de sortir sous le titre Voix est leur 5e ou 6e en date. Aluk Todolo, qui a plutôt l'habitude de pratiquer des trances, des pièces de trance qui durent assez longtemps. Le précédent opus qui s'intitulait Occult Rock était un double. Celui-ci est un disque simple, mais les titres sont enchaînés. Comme toujours, la guitare de Chantidas Riedeker fait merveille. Le magazine anglais, le magazine britannique The Wire les compare à Fushisucha, le fameux groupe au nom imprononçable de Keiji Eino, peut-être pour le côté un peu trans-psychédélique. C'est beaucoup moins black que ce qu'ils pratiquaient précédemment. Pour ma part, je trouve que ça sonne de plus en plus comme du Crimson, mais nouvelle génération du Crimson de l'époque Red de 1974. En tout cas, vous allez pouvoir vous en rendre compte avec un extrait de cet excellent disque de Aluk Todolo qui s'intitule Voix. Et bon, les morceaux n'ont pas du tout de titre à part l'indexation, donc on va écouter le morceau 701 par Aluk Todolo. Une vraie séquence de trance sur l'antenne du 94 MHz, mais de trance les doigts branchés dans la prise. Tout d'abord, on a entendu le trio qu'on constitue Antoine Adjouanou, Mathieu Ganaguier et Chandidas Riedeker, alias Aluc Todolo, et leur tout nouvel opus qui vient tout juste de sortir sous le titre Voix, sorti chez Norma Evangelium et Diaboli The Anja Offensive. Donc sans doute des labels plutôt dans d'obédience black metal, comme souvent pour ce trio Aluc Todolo, en tout cas excellent disque qui lorgne, je vous disais, peut-être vers une sorte de trance un peu façon Red de King Crimson. Et c'était enchaîné avec un autre trio totalement cosmopolite, celui-ci. Il s'agissait de la rencontre entre le saxophoniste et électro-bidouilleur d'origine suédoise Mats Gustafsson, très connu des scènes free assez exacerbées. Il était en compagnie de Massimo Pupillo, donc comme on a démarré avec le groupe de Lucas Timay de Mombu, il fallait aussi bien écouter un peu les projets du bassiste de Zoo, bassiste qui fait aussi pas mal de projets à côté, notamment l'an dernier il a sorti un disque aux côtés de Aurel Renan Barchi, un split album. Il collabore aussi, notamment par exemple, aux côtés de FM & Night, Lex Ansturzende Neubotten, et le troisième larron pour cette affaire qui s'appelait Melt, c'est Brian Chippendale, l'américain alias Black Puce, et qu'on connaît surtout aussi pour être le batteur et aussi un peu vociféreur sur ce Melt de Lightning Bolt. Excellent disque. Alors là, je vous ai passé un court extrait, même pas 1% de ce disque. Les titres font entre 32 et 46 minutes pour la version CD. Il y a un bonus aussi pour la version double album. Ça vient tout juste de paraître sous étiquette Trust Records, le fameux label viennois qui diffuse un peu tout ce qui bouge dans le domaine du free jazz contemporain assez énervé et aussi qui s'acoquine de musiciens rock parfois. Et donc Melt par Mats Gustafsson, Massimo Pupillo et Brian Chippendale, sorte de power super groupe, on peut appeler ça comme ça, ce disque Melt chez Trust. On va continuer avec tout autre chose, une sorte de musique un peu plus empreinte d'un certain flegme britannique. Il s'agit du retour du combo The Pheromones qu'on avait quitté avec un disque qui était sorti il y a de ça 2 ans je crois, qui était plutôt pas mal. C'était sorti chez Upset The Rhythm, je crois qu'on vous avait proposé ça dans une émission de l'époque, et ils reviennent avec un tout nouvel opus qui s'intitule Am on Nights. C'est sorti sous étiquette Alter Records, l'excellent label de Luke Younger alias Helm, qui est quelqu'un qui s'est fait connaître notamment pour avoir été membre des Birds of Delay et qui pratique donc une sorte d'électronique un peu expérimentale assez post-industrielle. Luke Younger, et avec son label Alter, il produit des choses totalement différentes, comme quoi voilà, il a des écoutilles bien ouvertes sur tout ce qui bouge. On vous a notamment passé un excellent disque l'an dernier qui s'est sorti sur son étiquette Alter, l'excellent projet un peu post-residence Acolytes. Et donc les Pheromones ne dérogent pas à la règle avec ce Am on Nights, qui est une sorte de combinaison un peu plus électronique, mais électronique un peu cheap, un peu malade aussi sur les bords, on pourrait dire. Ça fait pas mal penser à l'électronique de l'époque de la fin des années 70, début des années 80, que n'aurait pas renié Joy Division en son temps et autres New Order de la toute première époque. En tout cas, le chanteur est assez charismatique. Alors, j'ai j'ai failli vous passer un morceau assez dans cet esprit, mi-rock, mi-électro, un peu étrange. Puis je me suis dit que j'allais plutôt vous proposer un titre un peu plus surprenant encore de The Pheromones, un morceau au spoken words qui fait pas mal, ou qui fait plutôt furieusement penser même au disque solo de Monsieur Edward Caspel, le leader des Legendary Pink Dots. En tout cas, ça m'évoque un peu cette musique, ce titre Comes Hot Light, extrait de ce Arm on Nights de The Pheromones. I had trouble to begin with. First of all, I was turned away from K. Henry Biggenhide with his telephone repairs. The Lord shows his love in mysterious, peculiar ways. I sigh, gazing at the plate and cup set I'd bought earlier that day for £3.99. It was a new and startling development in my young life. I was an asthmatic, born in 79, on the day that rookie magician Gary Fish packed out the local community centre. My equilibrium had been disturbed. I had been knocked sideways. They announced keenly he had got a job working for K. Henry Biggenhide. I'm very pleased for you, young man, I lied, turning away with fury, growing in the fury growing in the pit of my stomach. I too had applied for the job with K. Henry Biggenhide, and suddenly found myself float away on a small cloud of self-pity. It seemed as though I were destined to be forever rebuffed. Taff looked a little bit embarrassed and stayed quiet for ages, glancing around at my tiny living quarters. I couldn't even bear to look at him when he left. Yes, yes, I said, as he tried to make some kind of farewell announcement on the doorstep. I slammed the door and lay on my front for a while, pretending to have been shot by a foe's arrow. For what does Taff have that I do not? And so the autopsy begins. Later I sit up on my bed, smiling peacefully at the wall. I have composed myself, staggering to the kitchen top several times an hour to refill my glass, clutching my side like a German soldier injured in battle, struggling through Dusseldorf on crutches. Food could fall by the wayside this evening. The fridge only contained half a packet of cheese and one of those puddings that I was always buying. What was it? A sort of steamed pudding. I sometimes took it with evaporated milk. I undressed and lay naked, listening for the evening rain and the owl's hoot. I felt like I'd been laying there for hours, flickering in and out of consciousness like a broken television, the sea lapping against the aerial, a moonlit beach, the misery, the misery, the misery. I want someone to come and ask me what's wrong, but there is no one. My friend, the dreadful Taff I told you about earlier, was hardly likely to return. I'd been so rude to him. Grail, my mother, she hardly gets in contact nowadays either. Her attentions have turned lately to my father, who is lost. My father is lost in a complicated network of caves. He's been lost for the best part of a year now. down in Devon. We knew how he felt, didn't we? We too feel like that sometimes. Like lone madmen trudging around. Piles of job advertisements littering the floor. Television listings strewn across the bed. The thought, the very thought of Congress. Enough to drive our libidos wild. The prospect of a woman yielding herself to me now are remote. I feel abandoned and desperate. I feel abandoned and abysmal. My parents were so peculiar. That's how these things start, isn't it? Home was best for me now. This is just a phase, we used to say. This is just a wobble, we used to hope. This is just a phase, it's a way of staying out of trouble. It's a way of staying out of trouble. Stay at home. Stay at home. Thank you. Et non, il ne s'agissait pas de la machine à laver de Matmos, mais à l'instant du compositeur Daniel Wool. Et ce holographique publié par l'excellente étiquette qui se consacre à la musique contemporaine et nouvelle, principalement américaine, puisque c'est des anciens étudiants de l'université de Yale qui a formé cette association New Amsterdam il y a de ça quelques années. Et donc ils ont produit leur co-religionnaire, je crois qu'on dit ça comme ça, Daniel Wool, qui est un jeune compositeur assez intéressant et à suivre de toute urgence, qui est né à Paris en 1980 et qui a étudié à la Yale School of Music et qui s'est fendu de ce disque. Alors c'est le deuxième sous son nom. Je crois qu'il avait fait paraître un disque précédemment déjà, ce Daniel Wool. Et celui-ci donc s'intitule Holographique, des pièces assez étonnantes qui mélangent électronique, des travaux un peu sur marimba, vibraphone, avec un peu tout le ouzou des musiques contemporaines américaines. Je pense notamment aux gens de Bang Hanekern, du Mantra Percussion, Mivos Quartet et autres ensembles Ictus de percussion. Il y a aussi les Lucky Dragons qui participent à cet album. C'est produit par Tim Maker, Ben Frost et ce genre de personnalité. Donc un disque très très recommandable, ce holographique, qui donne lieu d'ailleurs à une version aussi en concert. Il y a des performances de ces pièces sur scène avec notamment des membres du Flux Quartet et de String Noise. Voilà donc pour la musique de monsieur Daniel Wool, qui est donc un compositeur français basé à Brooklyn. Et il fait bien, puisqu'il s'accoquine avec des gens fort intéressants pour produire une musique de qualité. Juste avant, il s'agissait des Pheromones avec ce titre un peu façon spoken words à la Edouard Caspel des Chemical Play School, un titre assez différent de cet album Am on Nights qui est assez entêtant. Peut-être le côté diction à la britannique, aussi des textes qui sont assez fameux des Pheromones. C'est publié par l'étiquette de Luke Younger Alter Records. Voilà donc pour ce qu'on entendait précédemment. Et on va enchaîner avec une réédition, une de plus, vous me direz. Oui, mais c'est une réédition assez curieuse, celle-ci. Il s'agit de la rencontre entre la californienne Anna Homler, qu'on connaît depuis une bonne vingtaine d'années, notamment pour quantité de projets, notamment aux côtés de Sylvia Allett, de Steve Beresford et d'un peu tout ce qui bouge dans le domaine des musiques de traverse et de l'improvisation libre. Anna Homler, qui est une plasticienne, vidéaste, performeuse, multimédia, et donc quand elle est musicienne, elle utilise sa voix de manière assez singulière, mélangée avec de l'électronique souvent, mais au niveau de sa voix, ce sont des sortes de glossolalie dans un langage imaginaire qui est assez évocateur, je dois dire. Et à l'époque de l'enregistrement de ce disque, vers 1985, sous le titre Bread Woman and Other Tales, elle se risquait à ce genre de performance, notamment aux côtés de son acolyte Steve Mosher. Et donc c'est ce disque qui vient tout juste de revoir le jour grâce à l'étiquette de Brooklyn RVNG Entitled, qui est un label qui produit des choses un peu type Sonaro, James Ferraro et autres, Daniel Lopatin alias One A Tricks Point Never, donc qui oscille entre une sorte de musique un peu électronique années 80 et des choses aussi un peu plus contemporaines, notamment donc David Borden et des rééditions de choses un peu dans la scène new-yorkaise. Il y a aussi des choses de David Van Tiegem, qui était un percussionniste assez important à l'époque de la No Wave, tout ça sur ce label RVNG Entitled. Mais là n'est pas le propos, je propose d'écouter la musique donc assez singulière de Anna Homler and Steve Mosher, extrait de ce Bread Woman and Other Tales. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça, je vous laisse la surprise. Eia caído, caiça. Amagui chasene adai Ugui senato yava nae Kushi sanadi edayona wakaite koya Que eu nota essa ni Edu, Edu, Edu E te sanate Meiaie, meiaie, meiaie Cuinata isa Unu, unu, e a cai do caiça. Ei, o tais, a magui chassene, a dai, o cui senato yava, nae, cuxi sanati, e dai, o nava caite coia. Meia cori que eu nota essa ni Edu, Edu, Edu E te sanate Meia, meia, meia Cuinata isa he's not outside. It was some sort of sentence that obviously made sense at that time, that it rhymed with wine. It rhymed with wine, that she would like to be somewhere that she could, like, slurp wine in peace. So the younger sister said that she's in the kitchen. So they went in the house, and the kitchen was completely different. It was like a modular kitchen with really thick oak wood or something, really like thick wood. And the table was made, like a dinner was served. And then they knew that this place, yeah. And they knew that she is underneath the kitchen floor, really deep, in her car, full of her things. séquence d'invention sonore sur Antenne 94 MHz dans le cabinet de curiosité de l'Asile le plus sûr. On a démarré avec le folklore imaginaire de la plasticienne et performeuse chanteuse Anna Homler, originaire de Los Angeles, en compagnie de son compatriote Steve Mosher sur un disque qui était sorti à l'époque en cassette. C'est sorti sur Pharmacia Poetica en 1985, ce Broad Woman and Other Tales qui vient tout juste de revoir le jour grâce à l'étiquette RVNG Entitled en vinyle. Voilà donc pour le duo entre Madame Homler et Monsieur Mosher, qui était enchaîné avec la musique de Théo Théardo, qu'on avait quitté il y a de ça quelques années, notamment quand il avait sorti des disques en compagnie notamment de Blixa Bargeld, le Still Smiling notamment. Théo Théardo, qui est un compositeur de musique de film assez atypique, qui collabore notamment aux côtés des gens des musiques nouvelles telles que North Wifund, également aussi avec Zeni Geva, Cop Shoop Cop et Tutti Frutti. Et donc là il était entièrement tout seul, même s'il a toujours des musiciens à ses côtés, notamment souvent le Baladescu Quartet, pour Théo Théardo, avec un nouveau disque des musiques pour accompagner les films muets de Manaray. Ça s'intitule Le Retour à la Raison, et c'était le morceau qu'on écoutait d'ailleurs. Il y a le fameux Rose c'est la vie et la fameuse Étoile de mer, donc les films muets du début du 20e siècle de Monsieur Manaray. Je vous posterai sans doute des vidéos pour admirer les frottements donc avec les images assez sublimes de Manaray. Enchaîné à l'instant avec un musicien totalement saugrenu qui fait des projets sous le nom de Astor. Là il s'agit du troisième album de ce projet Astor sous le titre Lina in Nida. Et Astor, Mark Harwood, qui est un musicien australien qui réside à Londres, et apparemment lui aussi il a beaucoup écouté North Wifund et ce genre de choses. Il s'occupe du label et aussi distributeur Penultimate Press depuis quelques années. Excellente compagnie londonienne qui produit des choses telles que Graham Lampkin, le musicien de Kai, qui produit aussi d'ailleurs la musique de Astor et autres Small Cruel Party, Aura Clementi, etc., etc. Donc plutôt des musiques électroniques et électroacoustiques assez nouvelles dans l'esprit, et c'est un peu à l'image de son projet Astor, qui continue d'ailleurs à défiler derrière votre serviteur. On va continuer avec une séquence de jazz et un quartet, Double Trouble, du saxophoniste ténor et soprane allemand ou d'origine allemande Peter Ewald, que je ne connaissais pas du tout, et qui a un son qui fait mal penser aux Américains, notamment au son d'Archichef de la Grande Époque. Et c'est le deuxième disque en date de ce Double Trouble, qui est un projet à deux contrebasses et batterie. Là il s'agit d'un disque en concert, et c'est sorti sur l'excellente marque Jazz Werkstatt au mois de novembre. On va écouter le titre Mister Soju, extrait de ce disque du saxophoniste Peter Ewald. We'll be right back.

Nouveautés et découvertes des scènes jazz free contemporaines dans l'Asie de plus sûr. Tout d'abord, le saxophoniste germanique Peter Ewald et ce Double Trouble Live. Excellent CD sorti chez Jazz Werkstatt qui était enchaîné avec un tout nouveau trio qui répond au nom de Protean Reality, dans lequel on retrouve le saxophoniste Chris Tsiokos qu'on avait découvert notamment aux côtés de Wiesel Walter, de Peter Evans, et aussi avec son trio qui s'était fondu d'un excellent disque sur le label New Atlantis. Là il était aux côtés d'une section rythmique totalement inconnue, le guitariste basse électrique Noah Punkt et le percussionniste Philippe Scholz pour une sorte de mélange un peu free jazz façon prime time de Ornette Coleman. Donc le Protean Reality, disque éponyme qui vient tout juste de paraître sous étiquette Clean Feed Records, et c'était enregistré à Leipzig en janvier de l'année dernière, ce Protean Reality. Voilà, je vous rappelle que l'intégralité de cette playlist est entièrement podcastable et réécoutable à partir du blog de l'émission asile35.blogspot.fr, avec les titres que vous avez pu entendre ce soir, des descriptifs, des liens, des vidéos et aussi des bonus jusqu'à plus soif. Tout ça sur asile35.blogspot.fr, également à partir du mixcloud.com/redman. Et on va se quitter avec un dernier titre, et il s'agit cette semaine de Will Bolton, qui est un compositeur britannique qui officie dans le sorte d'ambiance un peu dans l'air du temps, une ambiance un peu façon Tim Hacker, on pourrait dire, mélange de sons un peu glitchés, un peu aussi de boucles et de field recordings et aussi de sons un peu de guitare, d'harmonique de guitare. Voilà pour la musique de Will Bolton qui sort quantité de disques depuis 4-5 ans sur à peu près tout ce qui bouge dans ce domaine, notamment les labels Hibernate, Home Normal, Dronarium, Fluid Audio. Il vient tout juste de récidiver sur l'excellente étiquette Alien Records, étiquette hexagonale dont on vous parlait dans cette même émission la semaine dernière à l'occasion de la rencontre entre Autistici et Justin Varis. Et donc l'album s'intitule February Down. Donc il sera très très approprié pour clôturer l'asile le plus sûr de cette semaine. Il me reste à vous souhaiter une excellente nuit et une très très belle semaine. À bientôt.

Thank you. Thank you.